a changé. C'est l'éclairage qui a tourné. Je te vois de l'autre côté. Côté face, ton reflet m'agace. Côté pile, t'es plutôt débile. À l'endroit, là tu es le roi. À l'envers, t'es plus qu'une galère. Tu as...